Prince, please, put the anger down. Oh, come on, you are expected at the upper land for the ceremony, please. Gentlemen, please. Oh. Ça chasse les cochonnets qui puent et qui sont ouverts. Ça vénère les oiseaux, c'est peut-être parce qu'ils ont pas d'ailes. C'est bizarre ces oiseaux, couleur de l'arc-en-ciel. Ça vénère les oiseaux, oh, oh, oh, énerve les oiseaux. Ça vénère les oiseaux, oh, oh, oh, énerve les oiseaux. Un jour mon iPhone me raconte t'as une drôle d'histoire, une histoire de cœur avec des œufs et des fleurs, avec des drôles d'oiseaux et des cochons verts et très gros. Tout allait bien dans ce coin-là et puis un jour arriva, les cochons volaient des œufs, les piafs sont pas joyeux. Alors ils déclarent la guerre aux vilains cochons verts. Ils installent les catapultes et c'est à toi de jouer maintenant. Allez lance les oiseaux, ça porte bonheur. Les toupettes, reprenons tous en cœur. Ça vénère les oiseaux, ça explose les blocs de pierre. Ça chasse les cochonnets qui puent et qui sont ouverts. Ça vénère les oiseaux, c'est peut-être parce qu'ils ont pas d'ailes. C'est bizarre ces oiseaux, couleur de l'arc-en-ciel. Ça vénère les oiseaux, oh, oh, oh, énerve les oiseaux. Y'a rien de très compliqué. Faut lancer les oiseaux sur les cochons pour gagner. Les jaunes ont un boost et les blancs bombardent les œufs. Les bleus se multiplient et les noirs explosent direct. Le vert il fait boomerang, le rouge c'est très lourd. Le rouge il fait rien du tout. Faudra les lancer bien pour qu'ils cascassent tout bien. Allez lance les oiseaux, ça porte bonheur. Les toupettes, reprenons tous en cœur. Ça vénère les oiseaux, ça explose les blocs de pierre. Ça chasse les cochonnets qui puent et qui sont ouverts. Ça vénère les oiseaux, c'est peut-être parce qu'ils ont pas d'ailes. C'est bizarre ces oiseaux, couleur de l'arc-en-ciel. Ça vénère les oiseaux, oh, oh, oh, énerve les oiseaux. Ça vénère les oiseaux, ça explose les blocs de pierre. Ça chasse les cochonnets qui puent et qui sont ouverts. Ça vénère les oiseaux, c'est peut-être parce qu'ils ont pas d'ailes. C'est bizarre ces oiseaux, couleur de l'arc-en-ciel. Ça vénère les oiseaux, oh, oh, énerve les oiseaux. Ça vénère les oiseaux, ça explose les blocs de pierre. Ça chasse les cochonnets qui ça vénère les oiseaux, c'est peut-être parce qu'ils ont pas d'ailes. C'est bizarre ces oiseaux, couleur de l'arc-en-ciel. Ça vénère les oiseaux, oh, oh, oh, énerve les oiseaux. Ça énerve les oiseaux.